Nos illusions, qui sait, tu suis calé, les chiens font pas les chats, à celui-ci moi je réponds, y'a pas de fatalité, qui sait, tu suis calé, les chiens font pas les chats, à celui-ci moi je réponds, y'a pas de fatalité. Comme des éléphants fous, seuls avec nos défenses, on crache, on donne des coups juste pour prendre de l'avance. On croit sortir du rang ou être mieux, différent, manger le monde vraiment, être des ogres de 20 ans. Mais c'est un peu plus tard, par les voies du hasard, des mots doux, un regard, qu'on sait changer l'histoire. Qui sait, issue qui a dit, les chiens font pas les chats, à celui-ci moi je réponds, y'a pas de fatalité. Qui sait, issue qui a dit, les chiens font pas les chats, à celui-ci moi je réponds, y'a pas de fatalité. Bottes de cet lieu, on est chez enfin, même sans être amoureux. On est fort de ce qu'on est, de ce qu'on sait s'aimer. Et la fatalité, qu'elle retourne se coucher. Qui sait, qui suis qui a dit, les chiens font pas les chats. À celui-ci, moi je réponds, y'a pas de fatalité. Qui sait, tu suis qui a dit, les chiens font pas les chats, à celui-ci moi je réponds, y'a pas de fatalité. Qui sait, tu suis qui a dit, les chiens font pas les chats, à celui-ci moi je réponds, y'a pas de fatalité.